L'épée. Crois-moi, pieux enfant, suis l'antique chemin. L'épée, au quillon droit, d'où part la branche torse, au poing d'un gentilhomme à ras dents et plein de force, est un fait plus léger qu'un rituel romain. Prends-la, l'Hercule d'or qui tiédit dans ta main, aux doigts de tes aïeux ayant poli son torse, gonfle plus fièrement, sous la splendide écorce, les beaux muscles de fer de son corps surhumain. Brandis-la, l'acier souple en bouquet d'étincelles pétille, elle est solide, et sa lame est de celles qui font courir au cœur un orgueilleux frisson. Car elle porte au creux de sa brillante gorge, comme une noble dame, un joyau, le poinçon de Julián del Rey, le prince de la forge.